froid en pleine canicule. Je fais mon entrée dans l'arène à la canicule. N'est que ma colère et des phases de rap. À l'usure, la tragédie me dévastera. Résigné, j'amorce une marche de la mort. J'agis en marche de la mode. Ces temps-ci, j'ai le moral en baisse. La météo n'est pas la seule à savoir qu'il y a de l'orage dans l'air. Je mets la gouache au maximum. Ressortissant de l'enfer comme Alcimone. L'éternel sera le supplice. Vu que l'amour de mon prochain est en chute libre. Je rêve d'un parcours plus qu'honorable. Ils veulent me mener en bateau jusqu'au naufrage. Ici la faucheuse à l'avantage. Même si je finis au fond du trou, je reviendrai plus fort à la Gandalf. Nos fissures ne sont pas de celles qui se colmatent. Et nos vies ne seront jamais assez solvables. Ce monde est inconscient de la cause qu'il plaide. Grandit entre les morts comme le petit dans The Walking Dead. Même l'histoire est écrite par des faussaires qui convoitent tout ce qu'on possède. Simple rejeton d'hommes braves et de familles irréels comme des personnages de Staline. Cette foutue vie me manquera et je sais que ce n'est pas réciproque. Ici les pères de famille deviennent des ivrognes. Je n'attends pas d'hommages émouvants. Des fausses notes sur la partition quand il faudra chanter mes louanges. Mon inspi m'a laissé le champ libre. Il va de soi que de nos larmes la faucheuse s'enivre. Je balance que de la face, j'avoue que je suis au bout du rouleau à force d'être constamment dans le creux de la vague. Voilà ma vérité, on sera tous égaux dans la fosse commune. Je manie les mots avec dextérité. Déterminé, je prends des textes hors normes. Je me sens investi d'une mission tout comme John Locke. Le chagrin m'importune à n'importe quelle heure. Même les aveugles ne se priveront plus de me porter l'œil. Je tire pas des plans sur la comète, le prix à payer serait astronomique. Je n'élabore que des phrases corrosives. Mon écriture a vu le jour à l'image des drames. Ma rancune est inaltérable. Je fais partie des indésirables. Dans ce merdier nauséabond, belle ses putes en ta main récitale. Je m'en irai pas par la grande porte. J'arrive d'un monde parallèle comme Rembrandt Brown. Enchevêtré dans les ténèbres, je me prépare mentalement à rendre l'âme dans les délais. Nos fissures ne sont pas de celles qui se colmatent. Et nos vies ne seront jamais assez solvables. Ce monde est inconscient de la cause qu'il plaide. Grandit entre les morts comme le petit dans The Walking Dead. Même l'histoire est écrite par des faussaires qui convoitent tout ce qu'on possède. Simple rejeton d'hommes braves et de familles irréels comme des personnages de Staline. Y a des péchés que tu commets et qui sont sans retour. Tu peux te donner tout le mal que tu veux, y a rien à faire. C'est comme si le diable attendait que ton corps laisse tomber. Parce qu'il sait très bien que ton âme lui appartient déjà. Mais bon, peut-être que le diable n'existe pas en fait. Tu meurs et Dieu, il te dit non. Non, t'as pas le droit d'entrer. Tu dois repartir tout de suite. Tu dois repartir très loin. Et tu dois rester seul. Tu dois rester seul à jamais.